Et Raymond Poirier est avec nous en studio pour parler de technologie d'information puisqu'il est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, à l'honneur, on parle de la 3D. Exactement, c'est en route vers une conférence qu'on présente ce jeudi 14 mars à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy dans la salle Gérard Martin. C'est dans le cadre de notre série Les rencontres du numérique. Eh bien, ce mois-ci, on s'intéresse aux multiples usages de la 3D parce qu'il y en a énormément. Donc, quand on parle de numérisation 3D dans les arts, dans la santé, dans une pléiade donc de domaines. On sort du jeu vidéo, là, par exemple. On en sort. On va beaucoup plus loin. Ouais. On en sort. Et justement, pour mettre la table un peu sur cette conférence, autour de cette conférence, et pour nous faire réaliser à quel point, ben, justement, il y a beaucoup d'applications de la 3D et également, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites au fil des dernières années. Ben, au bout du fil, on est en compagnie de la personne qui va offrir cette conférence. Il est directeur du laboratoire de vision et systèmes numériques à l'Université Laval, également titulaire de la chaire de recherche CRSNG Créaforme en numérisation 3D, donc la chaire Création 3D. Il est également professeur au département de génie électrique et génie informatique. Denis Lorando, bonjour. Bonjour. Et justement, en fait, je vous lance la réflexion qu'on a eue il y a quelques instants. En fait, on se rend compte et on découvre à quel point la 3D a de multiples applications. Quand on sort du jeu vidéo, ça devient un outil qui est extrêmement utile et précieux dans plein de domaines. Oui, en effet, c'est utile dans plusieurs domaines. On peut parler de multimédia, on peut parler de la santé, on peut parler de évidemment des applications industrielles, inspection, contrôle de qualité, assemblage, préservation des biens culturels. Hein. On peut scanner ou numériser des objets patrimoniaux pour en garder les modèles puis en permettre la visite ou la manipulation virtuelle, par exemple. Et qu'est-ce qui fait justement la force de cet outil-là qui a une applicabilité aussi multiple et aussi souhaitée, j'imagine, aussi dans ces domaines-là? Ben, écoutez, le monde dans lequel on vit est en trois dimensions. Et puis, on a toujours jusqu'à maintenant traditionnellement travaillé sur des surfaces, hein, des écrans, des feuilles de papier, des livres. Mais maintenant, avec les technologies qui ont été développées, là, dirons, dans les 40 dernières années, il y a moyen maintenant d'être capable de manipuler des objets 3D, de les numériser, puis ensuite d'en manipuler les modèles pour toutes sortes d'applications dont on vient de faire mention. Donc l'intérêt, c'est que maintenant on est capable de manipuler du 3D, de visualiser du 3D grâce aux technologies de numérisation, mais aussi de visualisation, pardon. Et donc, grâce à ça, là, ça devient de plus en plus démocratique. Et on parlait de jeux vidéo tout à l'heure, vous faisiez allusion aux jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle des jeux sérieux, finalement. Mmh. Et en même temps, vous l'avez mentionné, donc il y a plus en plus de démocratisation dans ces outils-là, et ça veut dire aussi, j'imagine, au niveau de la recherche, il y a eu des avancées assez notables au niveau technologique qui ont dû ouvrir aussi, j'imagine, beaucoup de portes dans l'application de ces technologies-là. Oui, c'est sûr que dans le milieu industriel, il y a les capteurs laser maintenant, il y a les capteurs ce qu'on appelle la lumière blanche qui sont tenus en main, chose avec lesquelles on travaille régulièrement au laboratoire. Donc c'est comme des machines à photocopier, mais 3D. Donc on prend un objet, puis on le photocopie en 3D, puis on peut même l'imprimer maintenant. Il y a des imprimantes 3D à coût raisonnable, je dirais, qui peuvent donc nous permettre de numériser quelque chose, puis ensuite de l'imprimer chez soi. Comme si on imprimait une feuille de papier, sauf qu'on imprime un volume ou une surface. Et justement, pour se mettre un peu en idée, au laboratoire de vision et systèmes numériques, notamment, vous avez collaboré à des projets de numérisation, justement, d'objets 3D, de structures patrimoniales. Je pense à la chapelle des Ursulines, notamment. Oui, entre autres, oui, on a travaillé avec les collègues de muséologie sur ces projets-là. Là. Où là, c'est un peu différent de la numérisation d'objets, c'est la numérisation de grands environnements où là, on traite de centaines de millions de points, la complexité algorithmique qui vient avec la manipulation de données, de masses de données aussi imposantes. Puis en plus, on vient plaquer des textures, donc des images de couleurs haute résolution sur la géométrie, ce qui fait que ça complique beaucoup plus le traitement d'un point de vue calculatoire, complexité algorithmique. Mais c'est des choses qui sont faisables maintenant. Exactement. On peut aller de l'infiniment petit à l'infiniment gros dans la modélisation, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis là, on sans parler là, de la modélisation 3D à partir d'images médicales, où là, on a des images de volume, d'organes internes qu'on peut modéliser pour toutes sortes de fins, planification de chirurgie, entraînement des chirurgiens, visualisation simple des différents organes internes. Oui, et c'est intéressant, notamment dans les applications à santé, parce que j'imagine que certaines opérations médicales qui sont pas faites régulièrement par les médecins, donc il faut se donner des opportunités de les pratiquer, et ouais. Ça, il faut le faire grâce au virtuel, grâce à la simulation. Alors, la tendance, c'est d'avoir, premièrement, des opérations de moins en moins invasives. Hein. On veut pas avoir à ouvrir les gens de manière trop violente. Et puis, en plus, on veut aussi... planifier les opérations en se basant sur la géométrie des organes du patient. Donc, les technologies d'imagerie 3D médicale nous permettent de faire ça et nous permettent aussi donc de mettre au point des environnements virtuels pour l'entraînement des chirurgiens sur la géométrie, les organes du patient, mais qui sont maintenant rendus virtuels dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, dans le fond, on crée les organes et on crée, dans le fond, le problème, par exemple, l'opération qu'on devra régler. Mais à ça, j'imagine aussi qu'il faut quand même entourer cette simulation-là parce que quand on rentre une aiguille dans la peau, ben, y a de la résistance, il y a des éléments. Alors, évidemment, on doit combiner la géométrie au comportement biomécanique des organes ou des tissus mous. Alors, au laboratoire de Vizier, on a travaillé là-dessus, notamment sur le foie et la prostate, pour simuler l'insertion soit d'une sonde de cryothérapie pour le traitement des tumeurs du foie, soit l'insertion d'une aiguille à biopsie pour le traitement du cancer de la prostate par curithérapie. Et de quelle manière vous avez englobé ça? Donc, c'est avec un simulateur pour faire saisir un peu la pression? Oui, effectivement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend on prend une image 3D de l'organe. On en construit un modèle 3D géométrique. Puis ensuite, on vient surimposer sur ce modèle géométrique-là un modèle de tissu mou par aliment fini, qui, cette fois-là, lui, a une réaction mécanique aux interactions qu'on a avec lui. Puis, dans le cas de la prostate, par exemple, on a simulé le comportement d'une aiguille qui pénètre dans un tissu mou. Et ben, les deux tissus, l'aiguille et le tissu réagissent l'un contre l'autre ou l'un en fonction des actions de l'autre. Puis, on est capable de recréer l'effet mécanique de l'insertion d'une aiguille dans le tissu mou. Mais pour recréer la texture, est-ce que ça vient aussi de la modélisation 3D? Est-ce que ça nous permet de peut-être calculer la densité aussi de l'objet à modéliser? Ouais, ben à partir du moment où on a une image, on peut presque tout faire ce qu'on veut. Notamment avec des images de résonance magnétique, par exemple, ou de CT, ben on peut estimer des volumes, il y a toutes sortes de possibilités. Ça dépend évidemment des traitements qu'on a à faire, et de la précision qu'on souhaite obtenir aussi sur les mesures qu'on veut avoir à la toute fin. Mais bon, je dirais que les limites sont assez éloignées. Là, on peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est en santé. J'imagine que c'est un peu le même genre de possibilité, par exemple, si on va en ingénierie, par exemple, dans des dossiers de construction imposantes. Je sais que vous avez fait notamment au laboratoire un projet concernant les barrages, concernant les simulations d'évaluation. Oui. Ben, on peut aller des petits objets aux grandes surfaces, là, aux grands éléments structuraux ou architecturaux, comme on a mentionné. La chapelle des Ursulines, c'est pas rien, hein, parce que c'est quand même un grand édifice. Il y a les barrages aussi où on veut être intéressé à cartographier les fissures aux différentes caractéristiques. Il y a aussi les tuyaux d'amener pour qui amènent l'eau aux turbines qu'on est intéressé d'inspecter. Donc tout ça se mélange, je dirais, il y a une convergence vers la modélisation 3D, la simulation et la réalité virtuelle là, qui est de plus en plus présente et à laquelle on va faire face de plus en plus fréquemment là, dans l'avenir, dans toutes les sphères d'activité, je dirais, pas seulement la médecine ou l'industrie, hein, même dans les médias, les artistes s'intéressent beaucoup à la modélisation 3D, avec tout ce qui vient avec la visualisation, la virtualisation, donc c'est un domaine qui intéresse beaucoup de monde. Oui, j'ai l'impression, en fait, souvent, que quand on observe aussi ces éléments-là, on revient à, si vous me permettez l'anglicisme, un buzzword qu'on avait eu il y a une dizaine, une quinzaine d'années, qui parlait beaucoup de réalité virtuelle. Et j'ai l'impression qu'on est rendu un peu dans une sphère de possible avec des environnements de simulation, des environnements d'immersion aussi qui peuvent nous permettre de représenter cette réalité-là et de s'immerger dans ces simulations-là qu'on va créer. Oui, effectivement. En fait, ce qui est arrivé avec la réalité virtuelle, malheureusement pour le domaine, c'est que quand ça a été, disons, proposé par les pionniers dans le domaine, c'était une technologie à la recherche d'une application. C'était comme un jeu, mais on savait pas trop à quoi jouer avec ça. Maintenant, il y a des téléviseurs 3D, il y a des caméras 3D qui permettent d'obtenir la géométrie. Puis un téléviseur 3D, maintenant, c'est plus 2 millions de dollars. Hein. C'est quelque chose qu'on peut s'acheter soi-même. Donc, l'immersion dans le 3D est possible maintenant chez soi. C'est ça qui rend, disons, l'intérêt de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée de plus en plus croître, qui s'accroît de plus en plus, parce que maintenant, c'est plus une application, une technologie en recherche, une application, mais là, maintenant, il y a beaucoup d'applications domestiques ou qu'on peut faire chez soi ou même en industrie qui sont possibles, mais qui sont rendues possibles grâce aux technologies d'affichage et de numérisation 3D. Mais si, par exemple, moi, je me dote d'une imprimante 3D ou d'un téléviseur 3D, dans ma vie quotidienne, qu'est-ce que ça peut m'apporter d'avoir tous ces outils-là en 3D? Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez, par exemple, un exemple vraiment bête et méchant. Vous numérisez votre pied. Oui. Vous obtenez un modèle 3D de votre pied. Vous allez magasiner en ligne pour une chaussure. Puis vous regardez comment votre pied entre dans la chaussure et comment la chaussure fait à distance. Bon, ça coûte combien déjà une imprimante? Une imprimante, non, mais je veux dire, c'est dans les milliers de dollars. Non, c'est là, vrai, c'est pas des dizaines de milliers de dollars. Ça commence. Bon, je pense que ça va diminuer en coût. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des technologies qui sont tellement éloignées de la maison, si vous voulez. Mm-hmm. Rappelez-vous, l'imprimante laser, il y a 10 ans, c'était encore un truc pour les spécialistes, mais maintenant, on peut s'en acheter une pour la maison. J'allais en magasiner une cette semaine, c'était 88$ pour une noire et blanc. Et j'imagine que c'est la même chose aussi, par exemple, avec les scanners à main, les Handyscan, par exemple, de Craform, qui sont très accessibles aujourd'hui, alors que quand c'était en développement, notamment du côté de l'université, c'était dans une autre gamme. C'est certain maintenant que ces technologies-là, ça baisse de prix. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de besoins, puis les gens, ça peut pas être des équipements qui coûtent des millions de dollars. Donc, les prix se démocratisent, puis la technologie, maintenant, est suffisamment intégrée. Les gens savent ce qu'ils font, les algorithmes sont au point. La puissance des ordinateurs qui permettent, évidemment, de faire le traitement des données brutes est là. Donc, les prix tombent, et puis ça rend ces technologies-là abordable. Et j'ai l'impression, je retourne un peu à quelque chose que je disais au départ, Denis Laurendeau, j'ai l'impression que ça amène la recherche maintenant à pouvoir aller encore plus loin, parce que dans le fond, ces technologies-là sont tellement intégrées que maintenant on peut pousser encore plus les frontières. Là. Ouais, ce que je dirais maintenant, c'est on peut laisser libre cours à notre imagination pour imaginer toutes sortes d'applications qu'on aurait pu juger farfelues, je dirais, il y a 5 ans, ou ouais, 5 ans. Maintenant, là, Il y a pas grand chose qui arrête le 3D là pour les prochaines années. Et Denis Laurendeau, jeudi 14 mars à la conférence, ça va être un peu un panorama de tout ça que vous allez nous offrir, un panorama de vos réalisations, des réalisations de votre équipe. Ouais, ça va être un genre de buffet à volonté d'applications 3D là dans les arts, la médecine, l'industrie, le divertissement, etc. Alors, c'est une invitation qu'on lance. Denis Laurendeau, donc, je rappelle, titulaire de la chaire de recherche CFRSNG Créaforme en numérisation 3D. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Et Tania, je rappelle aux auditeurs, auditrices, mais donc la conférence, elle est jeudi de cette semaine, donc le 14 mars. Ça s'appelle « Les arts à la santé, les multiples usages de la 3D ». Donc, je pense qu'on a vu avec M. Laurendeau les possibilités de plus en plus grandissantes d'applications. On réalise aussi à quel point, justement, on est dans ce qui était de la science-fiction il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'ai beaucoup de misère à m'imaginer l'imprimante 3D. Sérieusement, mon cerveau n'est pas rendu encore. Alors, je dis, ça va peut-être donner un petit coup de pouce à s'imaginer des choses comme ça. Et M. Laurendeau a beaucoup de vidéos, justement, aussi de démos qui vont permettre d'imager un peu tout ce qu'il va nous présenter. Alors, manquez pas ça. Je pense que si vous vous intéressez un peu à savoir où on en est au niveau de la recherche, les réponses vont être donc jeudi 14 mars, 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy, salle Gérard-Martin, et c'est entrée libre. Toutes les informations, évidemment, on le sait, sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Et on retrouve aussi les chroniques qu'on fait ensemble dans En charge de disque. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.